Maintenant, revenons à « je n'aurais pas pu le faire » et disons le contraire « j'aurais pu le faire ». Potevo... Potevo, c'est « je pouvais ». Comment dit-on « je ne pourrais pas le faire »« pourrais » au conditionnel ? Non potrei farlo. Non potrei farlo, c'est ça. Pour traduire la phrase que je vous ai demandé, allez-y par étapes, mot à mot, en commençant par « j'aurais » au conditionnel. Avrei. Avrei, oui. Et maintenant, vous plongez. J'aurais pu. Avrei potuto. Avrei potuto, absolument. Avrei potuto le faire. Avrei potuto farlo. Avrei potuto farlo. Très bien. Et en suivant le même principe, je n'aurais pas pu t'attendre. Je n'aurais pas pu t'attendre. Non avrei potuto aspettarti. Non avrei potuto aspettarti. Voilà. Vous voyez que si vous réfléchissez un peu, tout finit par s'éclairer. Et maintenant, vous allez me traduire. J'aurais pu vous le dire. Avrei potuto dirle, dirlelo. Je vous rappelle que quand on a les et lo, l'un à côté de l'autre, il faut dire lielo en un seul mot. Alors c'est avrei potuto dirglielo. Voilà, c'est ça. Avrei potuto dirglielo. Ou encore, glielo avrei potuto dire. Vous avez vu que, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, les mots comme gli ou lo peuvent se mettre soit collés derrière l'infinitif comme dans dirglielo, soit tout au début de la phrase, par exemple, glielo avrei potuto dire. Dites maintenant, je suis désolée, mais je n'aurais pas pu y aller avec toi hier soir. Bon, commençons par je suis désolée. Mi dispiace. Mais. Ma. Je n'aurais pas pu y aller avec toi hier soir. Non avrei potuto andare. Y aller. Andarci. Bien. Avec toi hier soir. Je vous rappelle que hier se dit ieri. Con te ieri sera. Oui, c'est ça. Non avrei potuto andarci. Attendez, laissez-moi le redire. Non avrei potuto andarci. Oui. Con te ieri sera. Oui, bien. En fait, non avrei potuto andarci est une des deux solutions possibles pour je n'aurais pas pu y aller. En disant avrei, vous avez choisi de plonger avec avere, qui est le plongeoir de potere. L'autre solution est d'utiliser le plongeoir de andarci, ou plutôt andare, qui suit potere dans cette phrase. Quel est le plongeoir de andare? Essere. Bien sûr, c'est essere, puisqu'il s'agit d'un verbe de mouvement. Et vous savez qu'en italien, pour plonger dans les verbes de mouvement comme venire ou partire, on part toujours de essere. Maintenant, reprenez la phrase « je n'aurais pas pu y aller avec toi hier soir » et traduisez-la en utilisant essere. Vous direz littéralement « je ne serais pas pu y aller avec toi hier soir ». Non sarei. Très bien. Non sarei. Non sarei potuto andarci con te ieri sera. Bien. Non sarei potuto andarci con te ieri sera. Puisque vous êtes un homme. À la place de potuto, une femme dirait potuta. Non sarei potuta andarci con te ieri sera. Donc, quand vous plongez dans potere, et que ce verbe est suivi d'un verbe de mouvement ou d'état à l'infinitif, vous pouvez utiliser soit avere, soit essere. Avec dovere, nous l'avons vu, il faut suivre la même règle. Et avec volere, c'est pareil. Nous avons donc vu « je n'aurais pas pu », c'est-à-dire « pouvoir » au conditionnel. Maintenant, nous allons voir le conditionnel du verbe « devoir », par exemple dans « je devrais le faire ». Comment diriez-vous ça? C'est le verbe « dovere ». Oui, c'est ça. Alors, comment dites-vous « je devrais le faire » Je devrais. Qu'est-ce que ça donne? Dovrei. Oui. Je devrais le faire. Dovrei farlo. Dovrei farlo. Bien. Je vous ai dit tout à l'heure que, en italien comme en français, dovere, devoir, peut exprimer une obligation qui vient de l'extérieur, quelque chose qu'on est forcé de faire. Mais il y a d'autres nuances possibles. Par exemple, nous avons vu qu'on peut utiliser « devrait » pour donner un conseil. Tu devrais faire ceci ou cela. Avec « je », par exemple, si vous dites « je devrais »,« dovrei », vous parlez d'un devoir, d'une obligation morale en quelque sorte, comme dans « je devrais le faire ». De même, si vous vouliez dire à quelqu'un « monsieur », vous devriez me le dire. Qu'est-ce que ça donnerait? Signore dovrebbe dirmelo. C'est ça. Dovrebbe, vous devriez, dirmelo, me le dire. Nous avons donc dovrei, je devrais, et comment dit-on tu devrais? Tu devrais m'attendre, par exemple. Comment diriez-vous ça? Dovreste aspettarmi. Cette phrase est correcte, mais dovreste, c'est vous devriez et non pas tu devrais. Comment dit-on tu devrais? Dovresti. C'est ça. Alors, tu devrais m'attendre? Dovresti aspettarmi. Dovresti aspettarmi. Oui. Bien sûr, pour faire plus simple, vous pourriez dire tu dois m'attendre. Au lieu de « tu devrais m'attendre ». Comment diriez-vous ça « tu dois m'attendre » ? Devi aspettarmi. Devi aspettarmi. Bien.